je m'attendris, me retenir quand tes yeux me déshabillent. Je me dis pouvoir tenir, mais à quoi bon te mentir? C'est trop ta peau. Je me dis pouvoir te mire, mais à quoi bon te mentir?